l'appétit tu le sens. J'sors du palais, l'avocat dans le sang. L'avocat il demande 1500. J'suis dans le quartier, ça roule à contre-sens. Dans le quartier, vite en fluorescent. Mon grand frère m'a chopé en flagrant. J'ai fait la chape, j'suis parti en cabane. Ça m'a contrôlé, j'ai mis dans la chabran. T'es dans le rap, tu me fais le gérant. J'ai envie de folle, tu me fais le GN. Y'a rien du tout, ils te mettent la sirène. C'est juste ta parole comme un homme. C'est pour la daronne comme un homme. Y'a mon fils, j'suis grand comme un homme. Assumer sa peine comme un homme. Tenir sa parole comme un homme. C'est pour la daronne comme un homme. Y'a mon fils, j'suis grand comme un homme. Assumer sa peine comme un homme. Dans l'alias que des billets de sang. Vapor max c'est d'un nom de sang. On s'emballe même tout en fluorescent. Rêve plus je sais pas je le sens. La colle il monte et bouge dans tous les sens. C'est la cocon mais tu passes le rue. J'suis une blonde moi j'aime bien les petites bulles. Des fois j'ai mal je repense aux absents. Dans la vie faut être reconnaissant. La trahison n'a jamais aimé ça. Toutes nos sons tu vas capter le message. C'est ta parole comme un homme.